PKGU, Radio Pokajou International, commence sa diffusion à partir de ce moment. Soyez les bienvenus. Bonjour, messieurs, dames, soyez les bienvenus. Vous entendez la Radio Pokajou International. Je suis Mélissa Suarez El Real, très contente de vous accueillir de nouveau. Aujourd'hui, on a voulu faire un petit documentaire sonore sur Draculino, un entrepreneur qui a bouleversé la vie économique du Pokajou, mais qui a un passé que parfois les médias et lui-même préfèrent cacher. Domenico Trapani, son vrai nom, est né en Sicile au sein d'une nombreuse famille de mafiosi. Son père était le capo qui dirigeait un énorme réseau criminel en Amérique et en Italie et qui contrôlait pratiquement toute l'économie locale. On lui appelait en fait le vampire parce qu'il prenait le sang de tous ceux qui l'entouraient dans son village. En fait, il prenait pas le sang, mais l'argent, bien sûr. Mais Domenico, en fait, n'était pas aussi doué pour les affaires criminelles que son père, et il passait son temps plutôt à entendre de la musique, spécialement le cha-cha-cha, qui à l'époque était très très répandu. À cause de ça, et de sa faiblesse comme mafioso, on l'y appelait Draculino, comme une sorte de blague, pour son manque d'autorité, un peu comme si c'était le fiston du grand vampire. En fait, Bruno Martino lui a dédié une chanson assez rigolo, appelée justement Draculino. Si vous comprenez l'italien, vous allez voir tout de suite la façon dont on voyait Monsieur Trapani à cette époque-là en Italie. Nella tomba di famiglia, la famiglia di Dracula cha-cha. È un maschietto che tutto gli assomiglia, Draculino, orgoglio di papà. Ah, che carino papà! Oh, mio amore! Bellino, bellino lui! Draculino, un vampiro un po' bambino, però ti è già spuntato un piccolo canino. Draculino, non mordere il gattino, ma mangia la pappetta di sangue di bovino. Papà ti ha regalato la retina per farfalle, ma tu ci acchiappi invece i pipistrelli. Oh. Draculino, non fare il birichino e smetti di frugare la tomba del vicino. Draculino, è tardi, è già mattino, da bravo fa la nanna, rientra nel tombino. Draculino, un giorno ti verrà la faccia di assassino come quella del papà. Draculino, vampiro un po' bambino, però ti è già spuntato un piccolo canino. Draculino, non mordere il gattino, ma mangia la pappetta di sangue di bovino. Papà ti ha regalato la retina per farfalle, ma tu ci acchiappi invece i pipistrelli. Draculino, non fare il birichino e smetti di frugare la tomba del vicino. Draculino, è tardi, è già mattino, da bravo fa la nanna, rientra nel tombino. Draculino, un giorno ti verrà la faccia d'assassino come quella del papà. Draculino, Draculino, fa la nanna per bambino. Draculino, un giorno ti verrà la faccia d'assassino come quella del papà. L'ambassade Pokajou en France et le ministère de culture de Pokajou présentent Radio Pokajou International. 15 minutes de voyage radiophonique à travers le Pokajou. Programme diffusé depuis Jukapo, capitale de l'île, grâce à l'énergie produite par 300 écureuils qui courent sans cesse au cœur du palais royal. Mi fare un giorno ottima la vita, a 16 anni chiama l'onorata. facci addestrare in tala rota, regola sua e sti lingua muta. Picciotti, ma la vita, stati attento, non sai quanto gusta lo sgarrari. Cercami donna al reto sin da tempo, da mala vita non ti invicinare. Si invicina un giovane d'onore, mi disse giovanotto a chi cercati, io ci rispose cerco sangue onore, e tu mi disse sangue onore abiti. Splendiva in talo cielo, le stelle una li contava, l'arbre intorno a me sembrava un velo, un cucco sopra l'arbore cantava. Fu a portati cinque cristiani, da un giardino rosi e di giuri, dopo lo giuramento che panfari, mi batti a rocco sangue d'onore. Tutto quanto mi stringi la mano, passavano di mia una a uno. Quando sto giro fu avventuato, non bacio ricevia tu Sergio Capo. La luna scompariva piano piano, stava avvicinando lo mattino, cantavano i altri e mi sentiva sano, ora che diventai un uomo fino. La luna scompariva piano piano, si stava avvicinando lo mattino, cantavano i altri e mi sentiva sano, ora che diventai un uomo fino, ora che diventai un uomo fino. De retour à la Radio Pocajou Internationale. Je suis Melissa Suarez del Real. On vient d'entendre l'ironique hommage fait à Domenico Trapani, aussi connu sous le nom de Draculino, parce que, il voyait qu'il n'avait aucun avenir avec la musique au sein de sa famille. Donc il a décidé de partir et il a pris un vol pour Pocajou où il est arrivé en 1950. D'abord, il pensait recommencer sa vie de mafioso là, mais très tôt, il s'est rendu compte que toutes les choses avec lesquelles on trafiquait aux États-Unis ou en Italie étaient tout à fait légales à Pocajou. Alors du coup, il s'est retrouvé sans aucune idée de comment gagner sa vie, et bien sûr sans sous. Tout ce qu'il avait avec lui était son mandoline, qu'il utilisait pour chanter de vieilles chansons de mafiosi, comme celle qu'on vient aussi d'écouter, qui s'appelait en fait « Pifari un giovanotto in malavita ». Il est inclus dans un disque qui s'appelle « Musica della mafia ». Alors, Monsieur Domenico, il a commencé à jouer dans la rue, et de plus en plus les gens lui demandaient par son instrument, parce qu'à cette époque-là, à Pocajou, il n'avait pas presque d'instruments occidentaux. Il avait des guitares, des pianos, et bien sûr les instruments des natifs, mais c'était presque tout. Alors il a eu l'idée de commencer à apporter les instruments italiens d'abord et après de les fabriquer lui-même. Il a commencé avec les mandolines. Il a fait venir à Pocajou les meilleurs artisans et dans une dizaine d'années, il a commencé à inonder la musique pocajoutienne avec de nouveaux instruments. Avant lui, la musique pocajoutienne ne comptait pas avec des flûtes ou de batteries. Et en fait, on va vous montrer un morceau où l'on imitait la flûte avec la gorge. Et c'est comme ça qu'on jouait la flûte à Pocajou avant de l'arrivée de Monsieur Trapani ou de Monsieur Draculino. Thank you. Finalement, dans un espace de 20 ans, le Pocajou est devenu, d'un seul coup, la fabrique musicale du monde. Et peut-être à cause de ça, toutes les sortes de genres musicaux et de façons de jouer se sont mélangées d'une façon tellement rapide. Un très très bon exemple de ce métissage qui a eu lieu à Pocajou pendant ces années est cette incroyable version de Carmina Burana de Sandy Bull, le master du oud et aussi du banjo. Je suis Melissa Suarez del Real, j'espère vous retrouver le prochain samedi à la nouvelle émission de Radio Pocajou International. À la prochaine. Thank you.